de gens, d'amis, de collègues, de gens en qui on a confiance, qui vont nous aider à prendre nos décisions et qui vont faire en sorte que nos groupes, nos organisations, nos équipes prennent de meilleures décisions qu'on aurait pu le faire individuellement. Mais alors, parce que donc vous dites que ces gens-là, généralement, les dirigeants d'entreprise notamment, pêchent par un excès de confiance en eux. Et dans le même temps, comme vous dites aussi, Olivier Cibony, si on n'a pas un excès de confiance en soi, c'est compliqué de prendre une décision. Est-ce qu'il y a des petits signaux qui doivent nous alerter dans le cas de l'Apple Store que vous évoquiez tout à l'heure? Bon, on a l'impression quand même que votre camarade qui avait répliqué les recettes de l'Apple Store sur les magasins JCPenney était en quelque sorte quelqu'un qui ne voulait pas voir. Est-ce que la plupart des gens qui se trompent sont avant tout des gens qui ont choisi de se tromper? Je ne sais pas si on peut dire qu'ils choisissent de se tromper, parce que dans l'exemple, Ron Johnson avait lui-même investi des centaines de millions de sa fortune personnelle qu'il avait gagnée chez Apple dans des actions de JCPenney. Donc il y croyait vraiment. C'est pas qu'il s'est dit, tiens, je vais m'amuser avec l'argent des autres. J'ai pas dit que c'était un saboteur. Non, mais c'est ça. Mais c'est pas non plus qu'il prend des risques inconsidérés parce qu'il se dit, bon, on verra bien. Je vais reformuler ma question. Si une diminution de votre chiffre d'affaires est la preuve que votre recette marche, quel serait en quelque sorte le signe d'un véritable échec? C'est ça, en fait, qui peut paraître problématique. C'est que dans ce type de raisonnement-là, en fait, il n'y a pas de véritable test de l'échec et de la réussite d'une recette. Absolument. C'est bien le signe qu'on n'a pas un raisonnement rationnel. C'est qu'on n'est pas en train de chercher. Le raisonnement rationnel serait celui que vous décrivez, qui est de chercher qu'est-ce qui pourrait nous dire qu'on se trompe. Et seulement à partir du moment où on ne le trouve pas, de se dire qu'on doit être sur la bonne voie. Quand on regarde les signaux en cherchant ce qui nous dit qu'on a raison, c'est qu'on n'est en général pas sur la bonne voie. Il y a un signe d'ailleurs qui est assez probant en général quand on est dans cette situation-là, c'est le fait que tout le monde soit d'accord avec vous. Si vous êtes dans une équipe et que tout le monde est d'accord avec vous et que vous n'avez aucun dissensus sur une décision qui est compliquée, évidemment pas sur des choses qui sont évidentes, c'est pas bon signe. Et sur le plan politique, puisque vous évoquez ces décisions donc de managers, qui sont des décisions de managers qui utilisent des biais cognitifs. Est-ce que la même chose existe pour d'autres décisions, Olivier Cibony? La même chose existe dans toutes les décisions, que ce soit nos décisions personnelles, que ce soit les décisions politiques, que ce soit des choix de quelque sorte que ce soit. Dès le moment où on a des êtres humains qui prennent des décisions, ils vont être sujets à ces biais cognitifs. Dans des contextes politiques, ça va être accentué par le fait qu'on n'est pas toujours dans des organisations qui partagent des... Où tout le monde partage les mêmes objectifs, on va dire. C'est-à-dire que, dans tous les sens du terme, on peut faire de la politique. Donc vous pouvez parfois, peut-être plus souvent que dans une entreprise, être entouré de gens qui n'ont pas intérêt à ce que vous réussissiez. Ce qui va compliquer encore un petit peu les choses. Ce qui veut dire aussi d'ailleurs, mais là on est dans d'autres registres, que lorsque je disais choisir de se tromper, je voulais dire par là que le test que ce monsieur Ron Johnson utilisait pour savoir s'il avait raison ou tort n'était pas le bon. En politique, par exemple, certains critères ne sont pas les bons. Par exemple, vos amis ne sont pas vos amis. Vos amis ne sont pas vos amis, les sondages n'ont pas toujours raison. La difficulté qu'on a en politique, je crois, pour comparer ça avec le type de sujet dont je parle, c'est que la finalité n'est pas forcément quelque chose sur laquelle on est d'accord. C'est-à-dire, au fond, quand vous êtes le patron d'une entreprise, tout le monde est à peu près d'accord sur ce que vous cherchez à faire. Vous cherchez à faire des profits, vous cherchez à développer l'entreprise, vous cherchez à créer de la valeur pour vos actionnaires. Ce qui n'est pas forcément le cas en politique, et ça va compliquer beaucoup les choses, parce qu'on peut être en désaccord non seulement sur les moyens d'atteindre ces objectifs, mais sur les objectifs eux-mêmes. Il y a quand même des méthodes, Olivier Cibony, pour tenter d'échapper à ces biais cognitifs. Il y a des méthodes pour y échapper, à condition de commencer par admettre, paradoxalement, qu'on ne va pas y échapper. C'est-à-dire que dès le moment où j'accepte que j'ai des biais cognitifs, je vais devoir accepter de m'entourer de gens en qui j'ai confiance, qui en ont aussi, mais pas forcément les mêmes que moi. Et si j'arrive dans ce collectif, dans cette équipe, à avoir une méthode de travail qui va nous permettre d'exprimer la diversité de nos idées, de les confronter avec des faits, avec des analyses, et de parvenir ensemble à ce qui est la meilleure décision, j'ai de grandes chances de parvenir à prendre de meilleures décisions que si je suis tout seul et que je me dis que je suis formidable. Merci beaucoup Olivier Cibony, je recommande donc votre livre. Vous allez commettre une terrible erreur, je n'irai pas jusqu'à dire que nos auditeurs vont commettre une terrible erreur s'ils ne lisent pas votre livre, mais en tout cas, il est publié aux éditions Flammarion. Merci.